B. C'est la vie. Il est pur. Il faut le dur. Voilà les pulls. Votre veste est dessus. Vous êtes sûr? Les enfants sont pour. C'est vu.